il n'y a pas tellement longtemps, j'ai eu une expérience. Je vais t'approcher pour te parler. C'est là que ça a vibré. Alors, j'ai senti que c'était un ajustement d'énergie qu'eux autres m'envoyaient. C'était à moi de le contrôler. Parce que quand la parole est sortie, ça a sorti juste ce qu'il fallait. Alors, c'est de ça que tu veux dire par rapport à la souffrance et l'ajustement de l'énergie qu'on a en soi. Ça. On a cette énergie dans nous autres, puis aussitôt qu'il y a une situation quelconque, elle devient active. C'est ça, à bout. C'est fatigant. Jusqu'à temps qu'on la comprenne, qu'on le comprenne, puis à ce moment-là, ben, on n'est plus affecté par l'énergie émotivement ou mentalement. Fait qu'à ce moment-là, elle demeure, elle est là tout le temps. T'sais? Mais au moins, elle ne te fatigue pas psychologiquement. Elle ne te fatigue pas émotivement. C'est comment tu dis? Ça peut être un mal de tête, un mal de ventre. Un mal de tête, c'est une autre chose. Ça fait toujours partie de l'énergie. Mais ça devient plus abstrait que ça. Ça peut être comme un stink. C'est là, c'est comme une présence. C'est comme l'électricité. Moi, les vibrations que j'ai dans la tête, c'est du sens que tu parles de l'énergie. C'est toujours de l'énergie pareil. Bon, ben là, 24 heures sur 24. Elle peut se manifester différemment chez différentes personnes. Chez certaines personnes, ça va être ici. Chez d'autres personnes, ça va être là. Chez d'autres personnes, ça peut être ici. Mais pour moi, c'est pas une souffrance, ça. Non. Moi, je pense que c'est pas une souffrance parce que maintenant, elle s'attache plus à tout, mais je pensais plus. Ouais, au début, tu sais, je m'attendais, mais plus là, parce que c'est fréquent. Ouais. Tu sais, c'est quotidien. Bon, mais je vais vous dire quelque chose, mais je vais vous donner une clé concernant cette énergie-là. Cette énergie-là est une souffrance tant que vous avez des problèmes. Ouais, ben elle n'est pas une souffrance. Écoutez, là. Ouais. Tant que vous avez des problèmes, cette énergie-là est une souffrance. Quand je dis des problèmes, là, je parle universellement. Vous avez des problèmes de finances, des problèmes d'amour, des problèmes de ci, des problèmes de ça. Tant que vous avez des problèmes, cette énergie-là est une souffrance. Quand vous n'aurez plus de problèmes, cette énergie-là ne sera plus une souffrance. Ce sera simplement une présence. Point, c'est tout. Comprenez-vous ce que je veux dire, là? Oui. Fait que tant que vous avez des problèmes, c'est des problèmes d'amour, toi, c'est évident que... Comprends-tu? Mais aussitôt que vous n'avez plus de problèmes, cette énergie-là, vous n'en souffrez plus. Mais tant que vous avez des problèmes, à ce moment-là, vous allez souffrir parce que cette énergie-là va faire vibrer le principe. Où se rattache le problème? Que ce soit dans la tête, émotionnel, que ce soit. Fait que là, je vous l'explique, c'est important de vous en rappeler. Faut prendre ça où, autrement dit. Hein? Faut prendre ça où. Mais c'est tout ça que je vous dis. Pas s'en faire avec. Ouais. Comme les Anglais disent, t'inquiète-y. Ouais, mais c'était bien beau de dire t'inquiète-y, mais quand t'as des problèmes, le gars t'en vient à la maison, puis il va saisir tes meubles le lendemain matin, tu sais, t'inquiète-y. Autrement dit, tant que vous aurez des problèmes sur le plan matériel, c'est pour ça que quand je vous parle, je vous ai déjà parlé dans une conférence d'importance de mettre de l'ordre dans votre vie. De mettre de l'ordre sur le plan matériel, que vous ayez des vêtements, que vous ayez une maison, ou une chambre, ou un toit, que vous ayez de la nourriture, que vous ayez de l'argent dans vos poches, pour éliminer les problèmes matériaux, que vous ayez pas trop de dettes. Ou que si vous ayez des dettes, que vous ayez des dettes que vous pouvez éliminer quand vous voulez à volonté. Comment dire? Pas de problème. Parce que si vous éliminez les problèmes de votre vie, puis vous êtes en marge d'éliminer les problèmes de votre vie, puisque vous êtes en marge d'avancer vers une vie consciente, où vous n'êtes plus affecté ou contaminé par toutes les formes qui font que l'homme se crée des problèmes pour rien. Mais des fois, il y a des problèmes qu'on ne se crée pas pour rien, mais des problèmes qui ressortent d'une action qu'on a commise de 6, 7, 8 ans. T'as acheté un char, il y a 3 ans, t'as rencontré Bernard Montréal, il y a 2 ans, mais c'est évident, faut que tu le payes encore ton char. T'as pas de job. Tu comprends ce que je veux dire? Fait qu'éventuellement, quand t'as éliminé tes problèmes matériaux, moi, des problèmes matériaux, je les considère dans un espace très simple. Le vêtement, l'argent dans ta poche, ça veut dire une job, puis ta nourriture, puis un toit. Quand tu peux vivre de ça, que ces quatre éléments-là sont stables, puis que t'es dans ta conscience, que t'es suffisamment avancé pour pas être pogné d'informe, à ce moment-là, cette énergie-là, tu n'en souffres plus. Et là, à faire partie de ton intelligence, plutôt le parler, elle est là, ils sont présents, mais t'en souffres plus. Vous, c'est un petit peu de même parce que vous avez une vie aisée. Donc, automatiquement, vous n'en souffrez pas, reste là. Puis... Avant, ça vous fatiguait parce que vous ne compreniez pas. Ça, c'est aussitôt qu'il y a un problème, il y a une émotion, puis ils veulent. Ah ouais, c'est ça. Il y en a. Il y en a parmi vous autres qui ont la chance de faire ce que j'appelle, moi, une belle vie. Faire une belle vie, là, ça veut dire pas avoir de problème. Puis s'ils font pas une belle vie, c'est parce qu'ils se causent des problèmes. Il y en a qui ont des bons jobs, ils ont des bonnes positions, ils sont bien mariés, ou ils ont une blonde, puis ils ont un toit, puis ils ont des vêtements. Ils n'ont pas de raison de pas faire une belle vie. Ils n'ont pas de raison. Si vous faites pas une belle vie, c'est parce qu'il y a quelque chose dans votre vie que vous comprenez pas encore. Ils n'ont pas de raison de pas faire une belle vie. Vous êtes riche, faire une belle vie. Il s'agit d'avoir ce qu'on a besoin, faire une belle vie. Toi, ça te prend ça pour faire une belle vie? C'est pas ça. Moi, ça m'en prend de même, faire une belle vie. Pas plus. Hein? Tu pourras te noyer dans ce que j'ai de besoin, mais ça fait rien. Moi, je me noie pas. Fait que chacun a ce qu'il a de besoin. C'est relatif. Moi, je suis névrosé. Ça me lance. Moi, si je peux pas vivre en ville parce que je vois des voisins, mais il faut que j'aille quelque part où il n'y a pas de voisins. Ben, ça prend de l'argent pour acheter quelque part où il n'y a pas de voisins. Ça coûte plus cher. C'est en sorte que tu veux faire un compromis par un voisin à côté. Le chien d'un voisin qui va faire pipi sur ton terrain. Fait que l'affaire de cette énergie-là, elle est en vous autres, puis elle va grandir, parce que plus les corps s'ajustent, plus l'énergie grandit. Mais il n'y a pas de raison que les gens ne... Si les gens... L'affaire de mettre de l'ordre dans votre vie, c'est bien important. Bien important. C'est bien plus important que la spiritualité, mettre de l'ordre dans votre vie. Parce que la spiritualité, elle va mettre du désordre dans votre vie. Ah, je comprends donc. Elle vous met au service de l'âme, la spiritualité. Mettre de l'ordre dans votre vie, c'est de l'intelligence. C'est votre intelligence, votre volonté. Mettez de l'ordre dans votre vie, avec ce que vous savez. Vous êtes où? Vous êtes ce qui est où? Fait que cette énergie-là, t'en souffres plus. Et là. Sa connexion. Bah. Elle avant. Elle riait avant, ça riait tout le temps. Tu y parlais, ça partait à rire. Tu sais, elle a pas oublié d'arrêter, c'est comme un train. Là, c'est coulé un petit peu. Mais elle riait, pourquoi? Parce qu'elle n'avait pas de problème. La vie était joyeuse. C'était toute l'astralité. Une fois qu'elle est devenue plus mentale, plus mentale, plus mentale, plus mentale, elle rit moins, mais elle n'est pas moins malheureuse qu'avant. Voilà. Elle dit moins. Fait que sa belle-mère, après, elle dit, ben, qu'est-ce que t'es si malade? Qu'est-ce que c'est, normal? Qu'est-ce que t'as fait? Pourtant, tu peux rire. T'as pas besoin de rire gros de même. Tu peux rire gros de même. Fait que là, elle dit moins, mais c'est plus mental. On sent que t'as quelque chose de différent. Ben, même comme quand on a le goût de pleurer, malgré une zone, ça vient tout seul, automatiquement, les yeux, une fois. Ouais. Ça brûle. Mais ça, à un moment donné, ça coupe, puis d'un coup, on reste plus à ça. D'ailleurs, plus vous allez aller dans le supramental, plus vous allez être sérieux. C'est automatique. Parce que rire, c'est une perte d'énergie. C'est une perte d'énergie, rire. Tu ris pour acquiescer une situation, c'est fini. Il y en a qui rient, puis qui rient, puis qui rient, puis qui rient, ça n'arrête plus. C'est une perte d'énergie, rire. C'est comme quand on parle avec des... Elle a changé ça. C'est un autre qui riait. Puis on change tout, c'est automatique. Les gens qui rient beaucoup, ils rient moins aujourd'hui. Ça veut pas dire qu'ils sont moins bien qu'avant, mais ils sont plus mentaux. Tu vis plus dans cette énergie-là. Puis éventuellement, tu vignes dans cette énergie-là. Rire de quoi? Il n'y a rien à rire, ça. C'est pour ça, Bernard, que c'est de plus en plus difficile de vivre avec les autres, parce que tu ris pas, ils trouvent que tu as l'air. Exactement. Parce que rire, c'est une forme de convivialité sociale. Ouais, moi, tu ris pas, t'arrives au bureau, mais tu ris pas, boss, tu es bien bête. C'est ça, t'as l'air bête. Ben non, c'est ça. Exactement. Envie de pleurer, c'est la même chose. Envie de pleurer, c'est la même chose. Rire et pleurer, c'est deux pertes d'énergie. Non, mais je veux dire, autant que t'en as envie, avant, autant que ça ne dit plus rien. Bon, c'est parce que t'es plus mental. Plus t'es mental, moins tu pleures, moins tu ris. C'est la même chose, t'as dit. Ben, c'est évident. Rire, c'est l'envers de pleurer. C'est la polarité. Quand t'es mental, pleurer de quoi? Si je pleure, moi. Pleurer, c'est souffrir. Ouais, mais l'humour, ça fait rire. L'humour, ça fait rire, d'accord. C'est de l'intelligence. Ça fait rire, l'humour, d'accord. Mais c'est pour balancer les vibrations. J'ai rien contre rire. Mais il y a rire, puis rire. Tu comprends ce que je veux dire? Il y a des gens, ça rit, puis ils n'attendent pas une joke après l'autre. T'as pas le temps de mettre deux crises de mots, c'est une joke, puis une joke, puis une joke. Ils tournent tout en joke, c'est une perte d'énergie. Les comédiens, là. As-tu déjà parlé à un comédien? Il n'y a pas moyen de parler à ça. C'est des jokes. Brrr, tu dis un mot, brrr, prends un autre mot, brrr. Ils changent tout en joke. C'est une perte d'énergie. Moi, j'en ai un, j'en connais un comédien qui fait la télévision à Californie. Je suis pas parlable, ce gars-là. Moi, quand je vois, je sac mon gars. Quand tu dis que pleurer, c'est une perte d'énergie, à un moment donné, il y a un contrôle dans toi qui fait que tu ne peux pas t'empêcher, comme exemple. Ouais, d'accord. J'écoute très rarement la télévision, mais là, à un moment donné, j'ai le goût de me reposer, puis je regarde la télévision, c'est carré ensemble. Je ne sais pas s'il y en a qui m'ont écouté, là. C'est une histoire vérité. C'est une mère qui surprotège son enfant. Puis je n'apporte plus aucun effet de rien dans tout ce qui se produit. Rien. Mais il arrive un moment donné que là, la mère par rapport au fils, de la façon qu'elle agit, là je vois que c'est dans le monde inconscient, mais cette femme-là est très intelligente, et puis par rapport à ça, elle essaie de communication le mot « amour » à son enfant. Quand j'ai entendu « You don't know how much I miss you, and you don't know how much I care and I love you », là, là, c'est comme si en dedans de moi, là, ça avait bouillonné. Mais ce n'était pas l'émotion de par la vue. C'est que moi, là, j'ai eu à un moment donné sur un écran mental, là, tout le monde alentour, comment les gens vivent. Mm-hmm. Et quand on est rendu, là, que ça pleure parce qu'on entend le mot « I love », le mot « amour », là, mm-hmm. que les gens parlent d'amour, ils savent pas ce que c'est que l'amour. Quand on est prêt de quelqu'un, je peux plus la aller. Façon d'interpréter à quelqu'un qu'on l'aime, c'est de le respect de ces gens-là. Mm-hmm. Il y a bien des façons de pleurer. Quand tu es conscient, tu peux pleurer parce que tu vois l'inconscience de l'homme. Tu peux pleurer parce que tu vois des choses que l'homme ne voit pas. Ça fait que ça te crée une tristesse dans l'âme. Fait que tu pleures. Mais ça, au moins, c'est pas une perte d'énergie. C'est une réalisation par le biais du corps émotionnel. Oui, parce qu'après ça, on te dit. C'est ça. Mais le point que je veux faire, c'est qu'il y a des gens qui rient pour rien. C'est une perte d'énergie. Il y a des gens qui pleurent pour rien. C'est ça que je veux dire. Si vous riez, vous pleurez, mais continuez. Il n'y a rien là, c'est bon. Mais vous comprenez ce que je veux dire? Le juste milieu. Le juste milieu. C'est quoi ça? Ah, des mondes électroniques. Aussitôt que les gens se sentent responsables de quelque chose, ils vont amener de la culpabilité en eux-mêmes s'ils ne remplissent pas la responsabilité. La responsabilité, c'est l'envers de la culpabilité. C'est une polarité. Puis, c'est une illusion. Pardon, c'est une illusion de l'ego. La conscience, c'est responsable, c'est créatif, c'est ça. Mais si l'ego se sent responsable, il perd de l'énergie. Moi, je travaille tant d'années, tant de temps à faire ce que je fais. Ça fait partie de ma conscience. Ça fait partie de pas laisser les gens dans le vide. Créer suffisamment de communication pour que quand je pars, les gens sont redescendus sur leurs propres pieds. Fait que ça, c'est la qualité responsable de la conscience. Mais c'est pas moi qui suis responsable. Si eux autres me disent le lendemain matin, un bon matin, bon, tu as fini tes séminaires, c'est fini mes séminaires. Je ne souffrais pas de responsabilité. Mais l'action de la conscience est consistante avec un effet qui crée une responsabilité. Mais c'est pas l'ego. Tu commences à être responsable, tu vas te sentir coupable. Faut que l'ego soit libre. Mais pour qu'il soit libre, il faut qu'il soit dans son intelligence. Parce que c'est dans son intelligence qu'il peut être éclairé d'une action. S'il n'est pas dans son intelligence, il ne sera pas éclairé de l'action. Il va y penser, puis il va ruminer dessus. Il va s'asseoir dessus, puis il va essayer de... C'est là que l'ego se fait des inquiétudes, puis il perd de l'énergie. Puis qui vit la vie des autres. Puis qui ne peut pas s'individualiser. C'est pour ça que l'intelligence ne peut pas rentrer. Comment tu veux 40 intelligences? Pour 40 intelligences, il faut que tu donnes une chance. Ça veut dire qu'il faut que tu vois les choses d'après elle. Si tu vois les choses d'après elle, automatiquement, elle grandit cette affaire-là. Mais si tu te refuses des voies d'après elle, elle ne grandira pas. Quand je vous dis que toutes les valeurs qu'on a dans notre société aujourd'hui, dans la cinquième race de l'homme, toutes les valeurs connues dans l'expérience de l'homme de la cinquième race seront foulées aux pieds par les hommes de la sixième race. Seront foulées aux pieds. Pas psychologiquement, vibratoirement. Un homme conscient ne manque pas de ce que vous appelez de la charité. Un homme conscient ne manque pas de ce que vous appelez de l'amour. Un homme conscient ne manque pas de ce que vous appelez de la tolérance. Un homme conscient ne manque pas de ce que vous appelez de la compassion. C'est l'aspect créatif de la conscience qui devient ci, qui devient ça, qui devient ci, qui devient ça, que vous appelez vous autres, ou que vous cataloguez. Mais lui, l'homme conscient, est totalement en dehors de cette forme-là. De sorte que, étant en dehors de la forme, il ne souffre pas de la dualité de la forme. Parce que, comme j'ai déjà dit, si tu aimes humainement, tu souffriras par la haine. À l'amour, il y a la haine. À la charité, il y a l'inquiétude de ne pas être généreux. À une chose, à une autre vertu, il y a toujours une souffrance. Si tu es tolérant, mais tu vas souffrir l'intolérance des autres. Tu ne peux pas toujours vivre dans la polarité des valeurs sociales. Il faut que tu sois au-dessus des valeurs sociales. C'est-à-dire qu'il faut que tu fonctionnes vibratoirement. À ce moment-là, tu fonctionnes toujours en accord avec la loi de l'énergie, de l'intelligence et de la volonté et de l'amour, automatiquement. Fait qu'automatiquement, tu vas être tolérant, automatiquement, tu vas être compassionnel, automatiquement, tu vas être charitable, automatiquement, tu vas être ci, tu vas être ça. Mais tu n'en auras pas conscience égoïquement. Et n'en étant pas conscient égoïquement, tu n'en souffreras pas égoïquement. Mais si tu es conscient égoïquement d'une valeur sociale, d'une valeur positive, morale, tu vas en souffrir égoïquement. Si tu es bon pour tes enfants, puis tu te dis, j'ai-tu été bon pour mes enfants, un jour ils vont te crisser là, tu vas dire, puis là tu vas pleurer. Comment est-ce qu'il y en a des parents qui pleurent quand les enfants s'en vont? Ils comprennent pas. J'ai été si fin pour toi, puis j'ai si fin pour toi, puis je t'ai tout donné, papa. Là, t'es parti avec une petite guédaille. Là, il devient un petit peu agressif. Petit putain! Une petite ci, une petite ça! Fait que si vous êtes libre des valeurs morales, sociales, parce que vous êtes dans l'intelligence et la volonté, ces valeurs-là, vous n'en souffrirez jamais. Et si vous devez les actualiser, ces valeurs-là, autrement dit, si vous devez les actualiser en action, qui fait partie de l'amour en vous, l'amour qui fait partie de votre principe intérieur, à ce moment-là, vous en souffrirez jamais. Donc, si vous êtes bon, puis si vous êtes bon à quelqu'un pour l'aider, puis ensuite la personne se retourne contre vous, mais vous n'en souffrirez pas. Mais si vous êtes bon, intelligemment, personne ne se retournera jamais contre vous. Parce que vous ne serez pas attaché à la personne à laquelle vous êtes bonne. C'est du mouvement créatif, parfaitement dit. C'est du mouvement créatif, pas d'autre chose que ça. Parce que pour le faire, faut que ça nous apporte. Pour le faire, il faut que ça soit intelligent. Si c'est intelligent, c'est intelligent. Tout ce qui est intelligent nous rapporte. Mais si tu t'occupes que ça te rapporte, ça ne te rapporte plus. C'est plus intelligent. Allez, allez. Il faut qu'on en arrive à fonctionner créativement, incréativement, jamais psychologiquement. Un autre point? Pas de travail. Un autre point? Pour détailler l'action créative. L'action créative, c'est l'action qui ne... L'action créative, c'est l'action qui passe en vous, mais qui ne vient pas de vous. L'action créative, c'est l'action qui passe en vous, mais qui n'est pas conditionnée, rattachée, valorisée, scrutinée par votre ego, par votre mental, par votre émotion. L'action créative ne vous appartient jamais. L'action créative ne vous appartient jamais. Elle est toujours au-dessus de vous et elle passe en vous. Et c'est cette action-là qui vous permet d'engager dans votre expérience de tous les jours de l'énergie qui vous revient toujours. Tout le temps. Tout le temps. C'est les créatifs. L'action créative, c'est la seule action dont doit vivre l'homme. Et c'est la plus difficile à vivre parce que l'émotion de l'homme et l'intellect de l'homme bloquent constamment l'action créative. Constamment. C'est pas forcément une action concrète. L'action créative, c'est une action concrète. Très concrète. Tant que je fais rien, je peux pas être créatif. Quelqu'un, je fais absolument rien. Une action créative, rien faire, ça peut être créatif. Ah, ben c'est ça. J'ai l'impression que je suis créative autrement que dans l'action. Je suis pas quotidienne, je fais rien au bureau, je fais rien chez moi. L'action créative, c'est une action qui ne vient pas de l'ego. C'est une activité qui vient pas de l'ego. Si la passivité vient pas de l'ego, elle vient pas de l'ego. Elle est créative, l'action. Ça fait qu'on peut. Tu es dans l'énergie pareil. L'énergie qui t'arrête. C'est pas toi qui t'arrête, c'est l'énergie qui t'arrête. C'est de l'action créative à caractère passif, comme il y a de l'action créative à caractère actif. Il y a bien des gens qui ne réalisent pas, qui ne comprennent ça, pas ça, puis automatiquement ils disent ah, je suis donc paresseux. Je suis donc paresseux. Puis automatiquement, mais ils se culpabilisent, ça n'arrête pas. C'est pour ça que je dis l'importance de réaliser qu'on n'a pas de qualité et qu'on n'a pas de défaut. Ce qu'on fait, c'est ça, c'est final. Une fois qu'on a l'œil de l'intelligence suffisamment ouvert sur ça, à ce moment-là, on s'en élimine des problèmes psychologiques. On commence à vivre un peu. La conscience en vous peut agir de différentes façons. Si elle agit créativement, activement, tant mieux. Puis si elle agit créativement, passivement, mais tant mieux. Là, c'est votre ego qui se met en jeu. Là, vous n'êtes pas capable de rester à rien faire. Là, vous cherchez quelque chose à faire. Vous vous rendez malade aussi. Mais est-ce que ça pourrait pas dépendre justement de l'ego qui s'occupe trop d'en haut? Et à ce moment-là, ça devient une béquille, par exemple. Parce qu'ils veulent trop savoir, ils cherchent trop à savoir, et puis... Il faut pas que l'ego s'occupe d'en haut. Faut que l'ego s'occupe de lui-même. En haut est toujours là, anyway. Faut continuer à vivre notre vie sur le plan. C'est essentiel. Essayez de faire en haut. Ils sont toujours là, en haut. Ils sont toujours dans nos culottes. Plus on devient conscient, plus ils sont dans nos culottes. Ils en sont fatigants d'être dans nos culottes. Essayez de faire en haut. Toujours là. Ils ont toujours été là, anyway. La minute que tu penses, sont là. La minute que tu respires, ils sont là. Ton corps matériel, il fonctionne parce qu'il y a en haut, en toi. Ils sont toujours là. Je pense que vous ne le saviez pas avant, mais une fois que vous le saviez, laissez-les faire en haut, ils sont là. Il ne faut pas que vous preniez conscience d'en haut. Faites vos affaires. Faites pas vos affaires pour plaire en haut, parce que là, vous allez mettre les bois dans les roues en maudit. Là, ils vont vous faire l'overtime pour vous donner une maudite leçon. Pour que vous restiez en bas. Ils sont là, eux autres. Vous autres, vous êtes ici. C'est la spiritualité, ça. En haut, petit Jésus, puis bon Dieu. Pis... C'est parce que quand t'es accroché à cette forme-là, il t'en font. Ah, oh, je comprends, exactement. Tout le monde a connu ça. Quand vous dites des chiens en haut, pas pour rien, je parle de même. C'est ça de l'intelligence. L'intelligence, c'est réaliser qu'en haut, puis ils font leur affaire, puis toi, tu fais la tienne. Quand tu réalises ça, ben, tu te sers de l'intelligence, tu te sers de la volonté, puis tu fais des affaires ici, tu mets de l'ordre dans ta vie, puis tu vis une vie comme du monde, t'es bien dans ta peau, puis tu fonctionnes. S'ils veulent changer tes vibrations un jour, puis pouvoir faire passer un autre plan, ils le feront. Tu seras préparé, ils t'auront préparé. En attendant, tu continues à boire ton coke, puis aller chez Tine. Puis en haut, puis en haut, puis en haut, puis en haut. C'est parce que vous avez passé ce fait que vous êtes intéressé en haut. Quand vous aurez vécu en haut comme moi, vous aurez bien un cul. Vous avez un cul en haut. Sinon, ils ont le cul, c'est bien moi. Ils font leur job, moi je fais la mienne. Je suis aussi important que les autres. Faut qu'on arrête d'être tout un jour. En haut, puis en haut, puis en haut. Puis c'est pas en haut, c'est des extraterrestres. Un cheese extraterrestre. Il y a une fois, il dit, j'ai goût d'avoir une extraterrestre dans le champ. J'ai dit, vas-y, amène-toi une chaise. Pourquoi? Parce que tu vas attendre. Mais c'est très long de développer l'intelligence. Parce que l'intelligence, ce que c'est dans le fond de l'intelligence, c'est l'ajustement vibratoire de leur énergie à la nôtre. C'est ça de l'intelligence. La définition la plus abstraite que je peux donner de l'intelligence, c'est ça. C'est l'ajustement de leur énergie à la nôtre. T'sais, l'ajustement de leur énergie à la nôtre, c'est ça de l'intelligence. En plus c'est ajusté, plus on est intelligent. La capacité d'absorption d'énergie. Oui, ça c'est la condition. Ah. Ça grandit tout le temps l'intelligence. Demain, l'an prochain, tu vas être plus intelligente que cette année, puis l'année après, tu vas être plus intelligente. Ça grandit tout le temps l'intelligence. À un certain moment, là, tu arrives à un plafond. Là. Tu l'es dans l'intelligence. À ce moment-là. À ce moment-là, le seul step après ça, ben, c'est rentrer dans la lumière, puis voir, puis travailler créativement au niveau des plans, des mondes parallèles. Au moins, ça terre, tu le dis. Tu n'as plus rien à apprendre, c'est final. C'est instantané, tu n'as plus rien à apprendre. Tu passes plus par l'expérience. Tu n'as plus besoin d'expérience. C'est clair et net. Chaque mouvement que tu fais, c'est clair et net. Au moins, tu peux respirer, là. L'intelligence, ça vient avec le temps. Au fur et à mesure que nos émotions s'ajustent, notre mental s'ajuste. Laisse-moi dire qu'ils ne nous en donnent pas. Ils ne peuvent pas nous donner de l'intelligence avant que nos corps soient ajustés parce que ça réclame l'ajustement de nos corps, l'intelligence. C'est ça, de l'intelligence. C'est ça, l'intelligence. Le discernement, ce qu'on appelle. Quelle richesse, le discernement. Quelle richesse. Fantastique. Il n'y a rien sans terre de plus important que le discernement. Rien. La sagesse, ça ne vaut pas de la mort. Le discernement, c'est tout. Ça contient la sagesse. Quand tu as le discernement, tu n'as de la sagesse. Mais quand tu es poigné en sagesse, là, tu es poigné dans le puissant de la spiritualité. Là, ils servent de tes émotions, Charlie, puis ton mental, puis t'en fais de l'overtime. Laisse-moi te dire, ils te chauront en maudit. Comme ça, quand tu n'as plus besoin de vivre d'expérience, tu as des mains de karma. T'en as plus de karma. Comment tu peux en avoir de karma? Tu n'as plus de karma. Tout ce que tu fais, c'est correct, c'est final. Mm-hmm. Plus de karma. L'homme peut être très bien sur la terre. Très bien. Très, très, très, très, très, très bien sur la terre, l'homme. Très bien. Mais il ne sait pas comment. On est contaminé au bout. Puis on ne peut pas l'apprendre. Moi, je vous le dis pour que vous ayez des points de référence. Mais c'est par vous-même que vous en arrivez à réaliser. Tout ce que vous savez aujourd'hui, vous l'avez réalisé par vous-même. C'est votre expérience. Votre expérience, toujours votre expérience. Fait que vous devenez de plus en plus intelligent, puis de plus en plus intelligent, puis de plus en plus intelligent. Fait que dans 5 ans, t'es pas mal intelligent. Puis dans 10 ans, t'es pas mal au bout. Puis dans 15 ans, t'es pas mal au bout. Puis arrive un jour, t'arrives à un plafond, t'es tout le temps intelligent. Moi, je suis tout le temps intelligent. Tout le temps. Il n'y a pas de maudite minute, je suis pas intelligent. Ben, je souffrirais, je n'étais pas intelligent. Ils mettraient bien un plat. J'ai une petite histoire pour eux autres. Me fais plus poigner. Je fais ce que je veux, moi. Mais nos émotions nous empêchent. Notre intellect nous empêche de faire ce qu'on veut. Tout le temps. C'est ça la condition humaine. Quand tu rentres la belle-mère là-dedans, pas la famille, pis tout, c'est pour ça que quand je dis que l'homme de la sixième race doit un jour rompre les liens avec la ratio avec la cinquième race, c'est ce que je veux dire, moi. Soit vos enfants, vos parents, vos belles-mères, comment que ça sera l'hôpital, ça rend rien. Chacun selon son expérience. L'homme doit vivre de sa personne. Il y a un ratio. Ma mère, elle pense qu'un jour, je vais retourner vivre avec elle à l'appartement. Faut-tu être au bout? Ça fait 25 ans qu'elle rêve ça. Que son cher fils va retourner un jour vivre. Elle doit espérer que ma femme va mourir quelque part, elle va me divorcer. Je vais retourner avec mes kilos de côte. T'es vrai, hein? Ils disent que ça prend beaucoup d'intelligence pour vivre sur la Terre. Bien. OK? Ça prend beaucoup d'intelligence pour vivre bien sur la Terre. Puis plus vous aurez d'intelligence, plus vous vivrez bien sur la Terre. Puis votre intelligence est toujours proportionnelle à vos émotions. Puis vos idées. Vos opinions, whatever. Ça prend beaucoup d'intelligence pour vivre sur la Terre. Tu mets de l'ordre dans ta vie automatiquement. Automatiquement. Si tu n'as pas commencé à mettre de l'ordre dans ta vie, tu n'es pas rentré encore dans l'intelligence. Ça, c'est un, vous en donne un autre point de référence, ça en est un. Ça. Si vous n'avez pas commencé à mettre de l'ordre dans votre vie, vous n'êtes pas encore dans l'intelligence. Mettez ça dans votre pipe. Petit comme moi. OK, un autre principe. Une autre idée à développer. Donnez-moi-en des idées à développer. C'est plus d'ajustement des corps. OK, c'est important. Les corps qui s'ajustent, Okay. Pas un paquet d'affaires. OK. L'ajustement des corps, ça veut dire trois choses. Ça veut dire que l'énergie pénètre. D'abord, l'énergie est toujours là. Elle a toujours été là. Mais une fois que vous commencez à réaliser comment vous fonctionnez, c'est-à-dire que lorsque vous commencez à réaliser qu'il y a en vous, qu'il y a dans des plans invisibles à votre nature, des êtres qui travaillent, qui sont en fonction de travail, et qui sont en relation de travail avec vous, les êtres dont vous bénéficiez de l'énergie, automatiquement, aussitôt que vous savez ça, vos corps commencent à s'ajuster. Émotionnellement, mentalement et physiquement, tous vos principes s'ajustent. Mais les corps de l'homme ne peuvent pas s'ajuster, c'est-à-dire que, dans le fond, l'ajustement des corps veut dire une prise de conscience quelconque. Le phénomène d'ajustement des corps, c'est une prise de conscience. Et la prise de conscience ne peut pas se faire si vous ne savez pas qu'il y a des êtres en vous qui, sur d'autres plans, dans d'autres mondes parallèles, si vous ne savez pas qu'il y a des êtres qui sont en relation énergétique, vibratoire avec vous. Mais dès que vous le savez, ça, c'est final. Vous en savez déjà trop. Et automatiquement, il y a une porte qui se rouvre. L'énergie commence à devenir plus intense parce que le fait que vous le savez, ça permet à votre ego de l'absorber. Si vous ne le saviez pas, puis que vous recevriez une augmentation d'énergie dans vos principes inférieurs, mais là, votre ego se questionnerait, votre ego penserait qu'il était devenu fou, votre ego se casserait la tête, votre ego prendrait des pilules pour s'endormir. Votre ego ferait toutes sortes de choses pour parer contre cette augmentation d'énergie-là. Mais comme vous le savez, ce qui se passe, à ce moment-là, l'énergie augmente et votre ego subit les changements vibratoires au niveau du mental, de l'émotionnel et des autres plans. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, c'est que plus vous avancez dans le temps, plus l'ajustement vibratoire devient intense. C'est-à-dire que plus vous êtes bombardé par cette énergie-là. Ce qui veut dire que votre corps mental est plus bombardé et que votre corps émotionnel est plus bombardé. Et plus votre corps mental est bombardé, plus vous êtes affecté par l'énergie, c'est-à-dire que plus vous êtes susceptible à la condition même de votre principe. C'est évident que si vous êtes un intellectuel, vous avez la tête bourrée d'idées, puis de philosophie, puis de psychologie, puis de ci, puis de ça, le bombardement vibratoire sur votre corps mental va soulever en vous énormément de pensées qui vont s'unir, qui vont se contredire, qui vont créer dans votre tête un charivari. Et l'énergie, avec le temps, va rebalancer ce corps mental-là, va détruire des formes, puis éventuellement le corps mental va s'ajuster, va devenir plus calme, éventuellement va devenir plus vide, éventuellement il devient vide. C'est la même chose sur le plan émotionnel. L'énergie, vous êtes dans une situation de vie, l'énergie est là, votre corps émotionnel vibre beaucoup plus qu'il aurait vibré avant parce que vous êtes conscient d'une situation de vie en relation avec une exploitation de vie par des forces supérieures. Automatiquement, votre centre émotionnel réagit d'une façon qui sert à le transmuter. Alors, le fait que vous savez qu'il y a de l'intelligence en vous qui est active, et qui crée des situations de vie, ça fait changer la vibration de votre corps émotionnel. Alors, tous vos principes changent. C'est un ajustement des corps. Le troisième aspect, c'est que vous en venez à un point dans l'ajustement des corps où vous ne pouvez plus simplement subir l'ajustement des corps. Au début, vous le subissez parce que vous n'avez pas suffisamment souffert de l'ajustement des corps, fait que vous le subissez, ça se toffe. Mais quand les corps ont été ajustés pendant plusieurs années, autrement dit que vous arrivez à une prise de conscience suffisamment grande pour vous faire réaliser la présence volontaire de cette intelligence. C'est quand vous prenez conscience de la présence volontaire de cette intelligence-là. Là, à ce moment-là, l'ajustement des corps se fait encore plus. Mais aussi, votre volonté devient plus grande. Et votre intelligence devient plus grande par le fait même, parce que votre réaction à l'énergie devient plus forte. Alors, ce que vous pouviez absorber pendant des années de temps, là, vous êtes moins capable de l'absorber. Puis avec le temps, vous êtes moins capable. C'est ça que je dis, vous en arrivez à un point où vous n'avez plein de casse. Là, alors, l'ajustement vibratoire rendu à ce point-là, il est plus intense, il est plus grand. Ils peuvent toujours vous accrocher d'une façon ou d'une autre, jusqu'à un point où ils ne peuvent plus vous accrocher. Et tant qu'ils peuvent vous accrocher à ce moment-là, l'ajustement vibratoire des corps se fait. C'est ça que je veux dire par l'ajustement vibratoire. Et plus vous rentrez dans la conscience d'eux autres, plus vous devenez conscient de leur permanence, plus vous devenez conscient de leur volonté, de leur force, de leur puissance. Cette force et cette puissance doit devenir votre force et votre puissance. C'est ça qui crée une espèce de révolte intérieure. Ça, rendu à ce point-là, c'est le stage de la révolte. Il y a une révolte d'intérieur qui se fait. Ouais. Puis quand ça passe plus, là, vous avez envie d'exploser, mais là, c'est parce que vous avez votre top. C'est peut-être aussi, en fait. Moi, je vous imaginais bien maintenant en marche, à certains moments, je suis bien pendant 2-3 mois. Après, à un moment donné, ça revient, ça fonctionne. Moi, je peux l'imaginer bien m'intéresser. C'est difficile à un moment donné de faire un ajustement à ce moment-là. C'est que tu prennes du toit, puis tu penses, t'arrêtes de penser, autrement dit, parce que ça fonctionne tout le temps. Ça amène des problèmes, mais à certaines périodes, ça peut durer une couple de jours. Ouais. Après, tu peux être bien. Quand ça amène des problèmes, c'est plus mental, ou c'est plus émotionnel, c'est parce qu'il y a un travail qui se fait. Après ça, ça cesse. Après ça, il va reprendre. Après ça, ça cesse. Jusqu'à temps que, quand une fois que le travail est fait, mais là, vous êtes bien, vous achetez plus. Okay. C'est vide dans votre tête. Ça revient à certaines périodes. Ouais. Des fois, c'est un rien qui déclenche tout. Ça peut être une niaiserie. C'est ça. Puis, laissez-moi vous dire, ça peut être une niaiserie. D'ailleurs, c'est toujours des niaiseries. Toujours des niaiseries. C'est pas une grosse affaire. Des niaiseries. Et, plus vous devenez conscient, plus vous devenez sensible aux niaiseries. Ça n'en prend pas gros pour créer la révolte intérieure. Ça prend un rien, éventuellement. C'est pour ça que, éventuellement, je vous dis, vous cherchez seulement une chose dans la vie. Une chose! De l'or! La paix. Qui est le produit de l'or. Mais c'est encore pire, parce que, enfin, moi, ce que j'ai vécu la dernièrement, c'est que tu te révoltes, puis tu sais que dans le fond, c'est eux qui créent la circonstance pour que tu te révoltes, parce que c'est à ça qu'ils veulent t'amener. Ouais, parce qu'ils ont un travail à faire. T'es quand même pris finalement dans cette prison. Ouais, t'es pris jusqu'à temps qu'ils puissent plus te prendre. Tant que t'es pris, c'est parce qu'ils peuvent te prendre, ils peuvent t'accrocher. Parce qu'il y a un travail qui doit être fait. Il y a un changement vibratoire qui doit être fait. Il y a des émotions qui doivent être transmutées. Aucune. Aucune. Chacun a son plafond, là, les autres le connaissent, mais il n'y a aucune limite. Aucune. Vous autres, vous pensez que vous n'avez votre top. Vous autres, vous savez que vous avez 3, 4, 5, 6, 7 tops. C'est ça, c'est ce que je disais à un moment donné, tu penses que tu as crevé ton plafond, c'est qu'il t'a pas de plafond. Il t'a monté un autre plafond. Je sais pas où il est, ton plafond. Tu crèves toujours des plafonds. Ouais. Tu grimpes des plafonds jusqu'à temps que tu le découvres, ton plafond. Puis il y en a un plafond quelque part. Mais il n'y en a jamais. Il y en a un, mais il n'y en a pas. Mais il y en a un. Mais il n'y en a pas. Mais il y en a un. Ouais. T'as pas ton plafond, gros. C'est ça. Faut vous en aller à votre plafond. Puis vous amène à votre plafond. Ça, ça prend un certain nombre d'années. Fait que c'est ça l'ajustement vibratoire des corps. Puis quand tu vis l'ajustement vibratoire des corps, tu vis l'ajustement vibratoire des corps. Tu le sais qu'est-ce que c'est l'ajustement vibratoire des corps. Puis tu sais jamais quand est-ce qu'ils vont l'ajuster ton corps. Ils peuvent l'ajuster n'importe quand de la journée. Ils peuvent commencer dans la nuit et l'ajuster ton corps. Mais en général, il ajuste tes corps toujours par un choc. Il y a toujours une situation dans le vernis qui crée un choc vibratoire. Tu vibres. Tu vibres à quelque chose que tu n'as pas vibré avant, et tu vibres. C'est là que le travail se fait. Parce que c'est dans le choc vibratoire que l'énergie rentre. Ça a une fin quand le travail est fini. Ça, ça dépend de votre plan de vie à vous autres. Tout le temps. Tout le temps. S'il y en a parmi vous autres qui passent à l'éthérique, c'est évident que la fin n'est pas tout de suite. À commande. Elle stabilise à un certain point, parce que... Je sais... C'est... Ça, je n'ai jamais parlé de ça. On en parle de ça, c'est intéressant. J'ai un Kleenex, j'ai pris un remis dans ce patent. Je sais qu'il y a des êtres, qui sont plus sujets à souffrir que d'autres. Il y a des êtres qui sont plus sujets à souffrir que d'autres. Parce que quand je parle de souffrance, moi je parle pas de souffrance. Je parle souvent de souffrance actuellement, mais je suis obligé. Parce que la conscientisation, c'est pas la philosophie spirituelle. Faut que tu mettes bien de souffrance. La souffrance des enfants de lien. Mais, je sais par contre que tous les êtres qui rentrent dans la conscience doivent souffrir, mais tous les êtres ne souffrent pas de la même façon. Et ce qui est souffrance pour un n'est pas souffrance pour l'autre, mais ce qui est souffrance pour un est souffrance pour lui. Tu comprends-tu ce que je veux dire? Tes souffrances, c'est tes souffrances. Tu comprends? C'est tes souffrances. Puis tes souffrances sont aussi grandes que mes souffrances. Un verre plein, qu'il soit petit ou grand, c'est un verre plein. C'est le même principe. Il y a des êtres, par contre, qui sont amenés à une plus grande souffrance, dans ce sens qu'il va leur être imposé une plus grande volonté vibratoire de leur part. C'est comme si, je dirais, ils ont plus la chance de casser des pieds à certaines personnes qu'à d'autres, parce que déjà, ces personnes-là ont été plus sensibilisées que d'autres. Par exemple, les gens qui ont vécu l'initiation solaire avec moi, il y a un petit nombre de personnes qui ont vécu. Ces gens-là sont extrêmement sensibles aux énergies. Alors, automatiquement, sont plus susceptibles, eux autres, de souffrir. Je prends ma femme comme exemple. Ma femme est plus susceptible à souffrir qu'une autre personne. Parce que elle est rendue électrique, c'est la surface de la peau. Mais d'un autre côté, elle est plus apte qu'une autre personne à se couper de la souffrance. Parce que son intelligence est plus grande. Parce qu'elle peut mettre plus d'ordre dans sa vie parce qu'elle a une maudite volonté de chien. Fait qu'elle, là, quand elle dit « Wow, c'est assez, c'est wow, c'est assez. » Fait que là, elle te met des barrières, puis des barrières, puis des barrières, en dedans des barrières, puis en dedans des barrières. Fait qu'éventuellement, elle est toute isolée là-dedans, là. Là, sauf plus bien, là. Il n'y a pas grand chance. Ils peuvent tout l'accrocher. Mais, tu sais... Ouais. Fait que... Mais ils peuvent toujours nous accrocher. Mais il vient un point que t'as tellement de volonté... Puis t'es tellement dans l'intelligence que tu te fais tellement d'ordre qu'ils n'ont pas grand chance de t'accrocher. Parce que t'as réellement ta vie. Plus t'as d'ordre, moins ils ont de chance. Exactement. Puis plus t'as d'ordre, ça va loin le mot ordre. Moi, je parle d'ordre dans ta vie, là, ça va loin le mot ordre. Mettre de l'ordre dans ta vie, ça va loin. Mettre de l'ordre dans ta vie, Charlie, ça peut être bien, ça va bien loin. Je fais au moindre détail. Le moindre détail, tu sais. Moindre temps. Ça peut être un clou qui est sur le mur, qui est là, là, puis il ne devra pas être là, le clou. Mais si tu es inconscient, tu laisseras le clou. Mais tout d'un coup, un jour, tu passes, tu t'accroches ton beau linge, tu déchires une robe. Là, là, tu sautes en maudit. T'sais. Fait que ma femme a dit, si elle dit, enlève-le donc le clou qui est là, là, et laisse-moi dire que je l'enlève tout de suite, parce qu'elle parle pas pour rien. T'sais. Fait que si elle dit, enlève-le le clou de là, je l'enlève, parce que si je l'enlève pas dans trois jours,